Yeah, yeah, c'est Mehdi, Sultan Nash à la prod. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, c'est elle. C'est si dur, mais qu'ai-je bien pu faire? J'ai si mal, c'est la descente aux enfers. Et dans ma bouche, ce goût amer. Je suis désolé, mais c'était la dernière. Tout a commencé par une rencontre un soir. J'ai tellement kiffé que j'ai encore du mal à y croire. On se donne rendez-vous dans une discothèque. Et là je me rends compte que tu me fais tourner la tête. J'adore l'effet que t'as sur ma personne. À tes côtés, je trouve que l'ambiance est bonne. En vérité, je pense que tu m'illusionnes. Sous ton influence, c'est là que tu m'abandonnes. C'est si dur, mais qu'ai-je bien pu faire? J'ai si mal, c'est la descente aux enfers. Et dans ma bouche, ce goût amer. Je suis désolé, mais c'était la dernière. Dès que je t'aperçois, je sens monter le désir. Jamais je ne stoppe, car j'aime trop ça. Plus je te côtoie, plus grand est le délire. C'est pas de ma faute, tu es tout pour moi. Ce soir je suis seul, j'aimerais que tu viennes. Passer le temps et que tu me fasses du bien. Pour toute la nuit, je voudrais que tu sois mienne. Et demain matin, on se rappellera de rien. C'est si dur, mais qu'ai-je bien pu faire? J'ai si mal, c'est la descente aux enfers. Et dans ma bouche, c'est le goût amer. Je suis désolé, mais c'était la dernière. Ton avis de verre lui a bien su me plaire. Et ton goût amer n'atteste de me satisfaire. Tu me donnes le mal de mer, mais ma tête à l'envers. Ma bouteille de Sky est bien la seule qui m'aille. J'adore l'effet que t'as sur ma personne. À tes côtés, je trouve que l'ambiance est bonne. En vérité, je pense que tu m'illusionnes. Sous ton influence, c'est là que je m'abandonne. C'est si dur, mais qu'ai-je bien pu faire? J'ai si mal, c'est la descente aux enfers. Et dans ma bouche, ce goût amer. Je suis désolé, mais c'était la dernière. C'est si dur, mais qu'ai-je bien pu faire? J'ai si mal, c'est la descente aux enfers. Et dans ma bouche, ce goût amer. Je suis désolé, mais c'était la dernière. Tout le monde répète après moi. J'aime aussi les femmes, mais je préfère une bouteille de Sky. Big up à toutes. Yeah. Sultan Nash, Nash, Nash, Nash, Nash, Nash.